Dès le départ, le programme de l'unité a été de forcer l'MPLA à la table de négociation. Ensuite, un cessez-le-feu qui soit contrôlé par les Nations Unies. Troisièmement, avoir des élections. Ceci depuis 1975. Donc, au moment où nous avons obtenu une supériorité militaire sur le terrain et que nous savions que l'MPLA allait accepter ces trois conditions, donc nous étions prêts à négocier. Accusé de se compromettre avec l'Afrique du Sud de l'apartheid, Jonas Savimbi explique sa relation avec ce pays.